Chapitre 6 La cuisine. Ophélie courait à la vitesse du vent. Elle franchissait les rivières, fendait les forêts, survolait les villes, passait à travers les montagnes, mais la ligne d'horizon demeurait hors de portée. Parfois, elle filait sur la surface d'une mer immense et le paysage se faisait longtemps liquide, mais elle finissait toujours par rejoindre un rivage. Ce n'était pas un mât, ce n'était même pas une arche. Ce monde-là tenait d'une seule pièce, il était intact, sans cassure, rond comme un ballon, le vieux monde d'avant la déchirure. Soudain, Ophélie aperçut une flèche verticale qui barrait l'horizon comme un éclair. Elle ne se souvenait pas de l'avoir jamais vue, cette flèche. Elle courut vers elle par curiosité, plus rapide que le vent. Plus elle s'en approchait, moins la flèche ressemblait à une flèche. À la réflexion, c'était plutôt une sorte de tour ou une statue. Non, c'était un homme. Ophélie voulut ralentir, changer de direction, rebrousser chemin, mais une force irrésistible l'entraînait malgré elle vers cet homme. Le vieux monde avait disparu, il n'y avait plus d'horizon, juste Ophélie qui se précipitait malgré elle vers cet homme maigre, immense, qui lui tournait obstinément le dos. Ophélie ouvrit grand les yeux. La tête sur l'oreiller, ses cheveux déployés autour d'elle comme une végétation sauvage. Elle se moucha. Son nez avait la sonorité d'une trompette obstruée. Respirant par la bouche, elle contempla le sommier à lattes du lit d'Hector, juste au-dessus du sien. Elle se demanda si son petit frère dormait toujours là-haut ou s'il avait déjà descendu l'échelle de bois. Elle n'avait pas la moindre idée de l'heure qu'il pouvait être. Ophélie se souleva sur un coude et promena un regard myope sur la chambre où des couches avaient été improvisées sur le tapis dans un désordre de draps et de polochons. Ses petites sœurs s'étaient toutes levées. Un vent froid bruissait à travers l'embrasure de la fenêtre et gonflait les rideaux. Le soleil était déjà levé, les enfants devaient être partis pour l'école. Ophélie s'aperçut que la vieille chatte de la maison s'était levée entre ses pieds écartés au fond du lit. Elle replongea sous sa couverture patchwork et se moucha encore une fois. Elle avait l'impression d'avoir du coton dans la gorge, les oreilles et les yeux. Elle y était habituée, elle attrapait des rhumes au premier courant d'air. Sa main tâtonna sur la table de chevet à la recherche de ses lunettes. Les verres cassés commençaient déjà à cicatriser, mais il leur faudrait plusieurs heures avant guérison complète. Ophélie les posa sur son nez. Un objet se réparait plus vite s'il se sentait utile. C'était une question de psychologie. Elle allongea ses bras sur la couverture, peu pressée de se tirer du lit. Ophélie avait eu du mal à trouver le sommeil après leur retour à la maison. Elle savait qu'elle n'était pas la seule. Dès l'instant où il s'y était enfermé avec un reniflement en guise de bonne nuit, Thorn n'avait cessé d'arpenter la chambre du dessus et de faire grincer le plancher de long en large. Ophélie s'était fatiguée avant lui et avait fini par sombrer dans le sommeil. Enfoncée dans son oreiller, elle s'efforça de débrouiller le fil des émotions qui se nouaient dans sa poitrine. Les paroles glaciales de la doyenne résonnaient dans sa tête. « Si tu échoues à cette tâche, si tu fais échouer ce mariage, je te jure que tu ne poseras jamais plus les pieds sur Anima. » Le bannissement était pire que la mort. Le monde d'Ophélie tenait tout entier sur cette arche. Si on la chassait, elle n'aurait plus jamais aucune famille vers qui se tourner. Elle devait épouser cet ours, elle n'avait pas le choix. Un mariage de convenance avait toujours une finalité, à plus forte raison s'il renforçait les rapports diplomatiques entre deux arches. Ce pouvait être l'apport d'un sang neuf pour éviter les dégénérescences liées à un trop haut degré de consanguinité. Ce pouvait être une alliance stratégique pour favoriser les affaires et le commerce. Ce pouvait être aussi, quoique cela restât exceptionnel, un mariage d'amour, né d'une idylle de voyage. Ophélie avait beau examiner la chose sous toutes les coutures, le plus important lui échappait. Cet homme, que tout ici semblait révulser, quel profit espérait-il sincèrement tirer de ce mariage? Elle se replongea dans son mouchoir à carreaux et souffla de tout son nez. Elle se sentait soulagée. Thorn était un énergumène à peine civilisé qui culminait deux têtes au-dessus d'elle et dont les longues mains nerveuses semblaient exercées aux armes. Mais au moins, il ne l'aimait pas. et il ne l'aimerait pas davantage à la fin de l'été, lorsque le délai traditionnel entre les fiançailles et les noces se serait écoulé. Ophélie se moucha une dernière fois, puis repoussa ses couvertures. Un miaulement furieux gronda sous la couverture patchwork quand elle la repoussa. Elle avait oublié la chatte. Elle considéra dans la glace murale, non sans une certaine satisfaction, son visage étourdi, ses lunettes de travers, son nez rouge et ses cheveux brouillés. Thorne ne voudrait jamais la mettre dans son lit. Elle avait senti sa désapprobation. Elle n'était pas la femme qu'il recherchait. Leurs familles respectives pouvaient les obliger à se marier. Ils veilleraient ensemble à ce que cela demeura une union de façade. Ophélie noua un vieux peignoir autour de sa chemise de nuit. Si cela ne tenait qu'à elle, elle resterait à cagnarder au lit jusqu'à midi. Mais sa mère avait prévu un fol emploi du temps pour les jours à venir avant le grand départ. Déjeuner sur l'herbe dans le parc familial, thé avec les grands-mères, Sidonie et Antoinette, promenade le long du fleuve, apéritif chez l'oncle Benjamin et sa nouvelle femme, soirée théâtre puis dîner dansant. Ophélie en avait une indigestion, rien que d'y penser. Elle aurait préféré un rythme moins effréné pour faire convenablement ses adieux à son arche natale. Le bois craqua sous ses pieds quand elle descendit l'escalier. La maison lui parut trop calme. Elle comprit bientôt que tout le monde s'était donné rendez-vous dans la cuisine. Une conversation étouffée lui parvenait à travers la petite porte vitrée. Le silence se fit dès qu'elle la poussa. Ophélie était le point de convergence de tous les regards. Le regard scrutateur de sa mère, posté près de la gazinière, le regard navré de son père, à moitié avachi sur la table, le regard outré de la tante Roseline, son long nez coincé dans sa tasse de thé, le regard songeur du grand-oncle, par-dessus la gazette qu'il feuilletait, dos à la fenêtre. Somme toute, il n'y avait que Thorne, occupé à bourrer une pipe sur son tabouret, qui ne s'intéressait pas le moins du monde à elle. Ses cheveux blonds argentés, sauvagement rejetés en arrière, son menton mal rasé, sa maigreur, sa tunique de mauvaise qualité et la dague enfilée à sa botte évoquaient plus un vagabond qu'un homme de cour. Il ne semblait pas à sa place au milieu des cuivres chauds de la cuisine et des odeurs de confiture. « Bonjour !» croissa Ophélie. Un silence inconfortable l'accompagna jusqu'à table. Elle avait connu des matins plus rieurs. Ophélie remonta du doigt ses lunettes cassées par pur mécanisme et se remplit un plein bol de chocolat chaud. L'écoulement du lait dans la porcelaine, la protestation du carrelage lorsqu'elle tira sa chaise, le raclement de son couteau à beurre sur la tartine, le sifflet de ses narines bouchées, elle avait l'impression que chaque bruit qui émanait d'elle, même infime, prenait des proportions énormes. Elle sursauta quand la voix de sa mère résonna à nouveau. « Monsieur Thorne, « vous n'avez encore rien avalé depuis votre arrivée parmi nous. Vous ne vous laisseriez pas tenter par une jatte de café et du pain beurré ?» Le ton avait changé. Il n'était ni chaud ni âcre. Poli, juste ce qu'il fallait. La mère avait dû mettre la nuit à profit pour méditer les paroles de la doyenne et se calmer les nerfs. Ophélie l'interrogea des yeux, mais sa mère se déroba, faisant mine de surveiller son four. Quelque chose n'allait pas. Il flottait dans l'air un parfum de conspiration. Ophélie se raccrocha à son grand-oncle, mais il bouillonnait sous ses moustaches. Elle se reporta alors sur la tête dégarnie et hésitante du père, attablé en face d'elle, et s'appuya de tout son regard sur lui. Comme elle s'y attendait, il céda. « Fille, il y a un léger imprévu. » Il avait intercalé son léger imprévu entre le pouce et l'index. Le cœur cogna dans les oreilles d'Ophélie et, l'espace d'une seconde folle, elle crut que les fiançailles étaient rompues. Le père bascula un œil par-dessus son épaule vers Thorne, comme s'il espérait un démenti. L'homme ne leur présentait depuis son tabouret qu'un profil taillé au canif, front buté, ses dents mordillant la corne de sa pipe. Ses longues jambes frémissaient d'impatience. S'il ne ressemblait plus tout à fait à un ours, dépouillé de sa fourrure, Ophélie lui trouvait à présent une attitude de faucon pèlerin, nerveux et agité, sur le point de prendre son envol. Elle revint à son père quand il lui tapota doucement la main. Je sais que ta mère nous avait pendu un invraisemblable programme pour la semaine. » Il fut interrompu par la toux furieuse de sa femme, penchée sur sa gazinière. Puis il reprit avec un soupir. Monsieur Thorn nous expliquait tantôt que des obligations l'attendaient chez lui. Des obligations de première importance, vois-tu? Bref, il ne peut pas gaspiller de temps en grande réception, en amusements divers et... Excédé, Thorn le coupa en faisant claquer le couvercle de sa montre à gousset. « On part aujourd'hui, par le dirigeable de 4 heures tapante. » Le sang reflua des joues d'Ophélie. « Aujourd'hui, 4 heures tapante. » Son frère, ses sœurs, ses neveux et ses nièces ne seraient pas revenus de l'école. Elle ne leur dirait pas au revoir. Elle ne les verrait jamais grandir. « Rentrez donc chez vous, monsieur, puisque le devoir vous y oblige. Je ne vous retiens pas. » Ses lèvres avaient remué, toutes seules. Ce ne fut qu'un souffle à peine audible, à moitié enrhumé, mais il fit l'effet d'un coup de tonnerre dans la cuisine. Son père se décomposa, sa mère la foudroya du regard, la tante Roseline s'étouffa dans son thé et le grand-oncle se réfugia derrière une quinte d'éternuement. Ophélie ne regardait aucun d'eux. Son attention était concentrée sur Thorn qui, pour la première fois depuis leur rencontre, la toisait tout entière, bien en face, de haut en bas. Ses interminables jambes l'avaient tirée d'un coup de son tabouret, comme la détente d'un ressort. Elle le voyait en triple, à cause de ses verres cassés. 3 hautes silhouettes, 6 yeux effilés comme des rasoirs, et 30 doigts resserrés. Tout cela faisait beaucoup pour un seul gaillard. Fut-il immense ? Ophélie attendit une explosion. La réponse ne fut qu'un murmure lourd. « Est-ce une dérobade ?»« Bien sûr que non !» s'agaça la mère en bombant son énorme poitrine. « Elle n'a pas son mot à dire, monsieur Thorn. Elle vous accompagnera où il vous plaira. »« Et moi, mon mot, l'ai-je donc à dire ?» Cette question, lancée d'une voix aigre, venait de Roseline, qui fixait le fond vide de sa tasse de thé d'un air venimeux. Roseline était la tante d'Ophélie, mais elle était surtout sa marraine et en tant que telle, celle qui avait été désignée comme son chaperon. Veuve et sans enfant, sa situation la prédisposait tout naturellement à accompagner sa filleule au pôle jusqu'à son mariage. C'était une femme d'âge mûr avec une denture de cheval, maigre comme un sac d'os, aussi nerveuse qu'une côtelette. Elle portait ses cheveux en chignon, comme la mère d'Ophélie, mais le sien ressemblait à une pelote d'épingle. « Pas plus que moi !» grommela le grand-oncle dans ses moustaches en froissant sa gazette. « De toute façon, personne ne me demande plus jamais mon avis dans cette famille. » La mère mit les poings sur son énorme tour de hanche. « Oh, vous deux, ce n'est ni l'heure ni le lieu !» C'est juste que tout se précipite un peu plus vite que nous l'avions envisagé d'abord. Intervint le père à l'adresse des fiancés. « La gamine est intimidée, et ça lui passera. » Ni Ophélie ni Thorn ne leur accordaient la moindre attention. Ils se mesuraient du regard, elle, assise devant son chocolat chaud, lui, du sommet de sa taille démesurément grande. Ophélie ne voulait pas céder aux yeux métalliques de cet homme, mais après réflexion, elle ne jugea pas très intelligent de le provoquer. Dans sa situation, le plus raisonnable était encore de se taire. De toute façon, elle n'avait pas le choix. Elle baissa la tête et se tartina de beurre une autre tranche de pain. Quand Thorn se rassit sur son tabouret, enveloppé dans un nuage de tabac, chacun poussa un soupir de soulagement. « Préparez immédiatement vos affaires, » dit-il simplement. Pour lui, l'incident était clos, pas pour Ophélie. Depuis l'ombre de ses cheveux, elle lui fit la promesse de lui mener l'existence aussi difficile qu'il la lui rendait lui-même. Les yeux de Thorn, gris et froids comme le tranchant d'une lame, la heurtèrent une fois encore. « Ophélie, » ajouta-t-il sans sourire. Dans cette bouche maussade durcie par l'accent du Nord, on aurait dit que son prénom coupait la langue. Écœurée, Ophélie plia sa serviette, puis quitta la table. Elle remonta l'escalier en douce et s'enferma dans la chambre. Adossée contre le panneau de la porte, elle ne bougea pas, ne scia pas, ne pleura pas, mais ça criait à l'intérieur d'elle. Les meubles de la chambre, sensibles à la colère de leur propriétaire, se mirent à trembloter comme s'ils étaient parcourus de frissons nerveux. Ophélie fut secouée par un éternuement spectaculaire. Le charme se rompit aussitôt et les meubles redevinrent parfaitement immobiles. Sans même se donner un coup de peigne, Ophélie enfila la plus sinistre de ses robes, une antiquité corsetée, grise et austère. Elle s'assit sur le lit et pendant qu'elle enfonçait ses pieds nus dans ses bottines, son écharpe rampa, glissa et sinua jusqu'à son cou, comme un serpent. On frappa à la porte. « André ?» marmonna Ophélie, le nez bouché. Le grand-oncle passa ses moustaches par l'entrebâillement de la porte. « Je peux, fille ?» Elle opina derrière son mouchoir. Les gros souliers de l'oncle se frayèrent un chemin à travers la mélasse de draps, d'édredons et d'oreillers qui encombraient le tapis. Il fit signe à une chaise d'approcher, ce qu'elle fit docilement en jouant des pieds, et se laissa tomber dessus. « Ma pauvre gamine !» soupira-t-il. « Ce bonhomme-là, c'est vraiment le dernier mari que je te souhaitais. »« Je sais. »« Il va falloir que tu sois courageuse. Les doyennes ont parlé. » « Doyennes ont parlé, » répéta Ophélie. « Mais elles n'auront pas le dernier mot, » ajouta-t-elle en son fort intérieur, même si elle n'avait pas la plus petite idée de ce qu'elle espérait en pensant cela. À la vive surprise d'Ophélie, le grand-oncle se mit à rire. Il désignait la glace murale. « Tu te souviens de ta première traversée? Nous avions fini par croire que tu resterais à jamais comme ça. » Ta jambe remuant ici et le reste à se débattre dans le miroir de ma sœur. Tu nous as fait passer la plus longue nuit de notre vie. Tu n'avais pas 13 ans. J'en ai gardé quelques séquelles, soupira Ophélie en contemplant ses mains qu'elle voyait éclater en morceaux à travers ses lunettes cassées. Le regard que le grand-oncle lui adressa était brusquement redevenu sérieux. Précisément. Et ça ne t'a pas empêché pour autant de recommencer et de te coincer à nouveau jusqu'à ce que tu piges enfin le truc. Les passe-miroirs sont rares dans la famille, fille. Est-ce que tu sais pourquoi ? Ophélie souleva les paupières derrière ses lunettes. Elle n'avait jamais abordé la question avec son parrain. Pourtant, tout ce qu'elle savait, elle le tenait de lui. Parce que c'est une forme de lecture un peu particulière, suggéra-t-elle. Le grand-oncle ébroua ses moustaches et écarquilla ses yeux d'or sous les ailes de ses sourcils. « Rien à voir. Lire un objet, ça demande de s'oublier un peu pour laisser la place au passé d'un autre. Passer les miroirs, ça demande de s'affronter soi-même. Il faut des tripes, tu sais, pour se regarder droit dans les mirettes, se voir tel qu'on est, plonger dans son propre reflet. Ceux qui se voilent la face, ceux qui se mentent à eux-mêmes, ceux qui se voient mieux qu'ils sont, ne pourront jamais. Alors crois-moi, ça ne court pas les trottoirs. » Ophélie fut saisie par cette déclaration inattendue. Elle avait toujours passé les miroirs de façon intuitive. Elle ne se trouvait pas particulièrement courageuse. Le grand-oncle désigna alors la vieille écharpe tricolore usée par les ans qui reposait paresseusement en travers de ses épaules. « C'est pas ton premier golem, ça ?»« Si. »« Celui-là même qui a bien failli nous priver à jamais de ta compagnie. » Ophélie acquiesça après un temps. Elle oubliait parfois que cette écharpe qu'elle traînait toujours dans son sillage avait naguère essayé de l'étrangler. « Et en dépit de cela, tu n'as jamais cessé de la porter. » articula le grand-oncle en ponctuant chaque mot d'une tape contre sa cuisse. « Je vois bien que vous cherchez à me dire quelque chose, » dit doucement Ophélie. « L'ennui, c'est que je ne comprends pas trop quoi. » Le grand-oncle poussa un grognement bourru. « Je ne paye pas de mine comme ça, fille. Tu te caches derrière tes cheveux, derrière tes lunettes, derrière tes murmures. De toute la portée de ta mère, tu es celle qui n'a jamais versé une larme, jamais braillé. Et pourtant, je peux te jurer que tu es bien celle qui a collectionné le plus de bêtises. Vous exagérez, mon oncle. Depuis ta naissance, tu n'as jamais cessé de te faire mal, de te tromper, de te casser la figure, de te coincer les doigts, de te perdre !» poursuivit-il sur sa lancée avec de grandes gesticulations. « Je ne te raconte pas le sang d'encre. On a longtemps cru que tu finirais un jour par succomber à l'une de tes innombrables boulettes. Mamselle fonce dans le mur qu'on t'appelait. Écoute-moi bien, fille !» Le grand-oncle s'agenouilla douloureusement au pied du lit où Ophélie était restée avachie, ses pieds noyés au fond de ses bottes délacées. Il lui saisit les coudes et la ballotta comme pour mieux imprimer chaque syllabe dans sa mémoire. « Tu es la personnalité la plus forte de la famille, ma petite. Oublie ce que je t'ai dit la dernière fois. Je te prédis que la volonté de ton mari se brisera sur la tienne.